Si on place un enfant qui comprend pas dans une classe qui comprend pas, il n'y a plus personne qui comprend. Et on appelle ça la catégorie allégée. On allège le programme, on leur en donne moins. Disons que c'est une aberration évolutive et éducationnelle. On devrait surtout s'arranger pour dynamiser l'enfant. Mais on dynamise pas un enfant comme on fait présentement. Vous ne comprenez pas comment ne pas souffrir, alors je vais vous faire copier 1000 fois, je ne souffrirai plus. Vous comprenez pas plus. Ben, on essaie de faire comprendre aux enfants de cette façon. Bon. Alors, ce qui fait que tout ce qui est bien important à bien saisir, et ça, vous pouvez l'expérimenter n'importe quand par votre propre vécu, même mémoriel, un enfant, on comprend qu'il ne peut pas comprendre. À 12 ans, on commence à se vexer parce qu'il comprend pas. À 14 ans, là, on est en maudit parce qu'il comprend pas. Il est dans un cadre évolutif totalement différent du nôtre, dans une société de jeunes différente de la vôtre. Vous êtes beaucoup plus âgé que l'enfant, donc votre énergie, elle est d'une telle sorte, d'une telle nature, d'une telle vibration, d'une telle densité, d'une telle qualité. Et lui, elle est d'une autre sorte. Ce qui fait qu'automatiquement, on ne peut pas arriver à bien se faire comprendre l'un l'autre. Par contre, un mécanisme, disons, de relation peut exister lorsque, justement, on n'essaie pas d'entrer dans une guerre d'ego, d'imposer sa propre énergie, et lorsqu'on comprend qu'un autre peut ne pas comprendre. Le temps va arranger. Vous n'êtes pas sur la planète pour convertir l'humanité. Je connais aucun avatar véritable qui est venu sur la Terre dans le but de convertir, d'obliger la compréhension. Bouddha n'a pas obligé la compréhension. Le Nazaréen n'a pas obligé la compréhension. Quelqu'un venait le voir et lui disait, « On t'a vu, on t'a observé, tu es le roi, tu es le chef qu'il nous faut. Nos armées sont prêtes, on est prêts. » Et lui dit, « Tu dois aimer ton prochain comme toi-même et même tes ennemis. » C'est simplement une dose d'énergie garochant en plein visage qui a maltraité d'une façon très diabolique, n'est-ce pas, la personne. Mais c'était parfait. Il n'a pas voulu disciple, il n'a pas voulu en faire un disciple, il n'a pas voulu quoi que ce soit. Et si on regarde n'importe quel annal d'avatar qui est passé sur le plan planétaire, jamais il a essayé d'imposer une compréhension. Va, tout ce que tu as, prends ta croix puis suis-moi. Si tu veux pas, ben, il n'y a aucun problème. C'est fini là. Mais jamais, oh, mais non, sauve-toi pas, tu n'as pas compris ce que je veux dire. Puis là, tu essaies d'y expliquer que, ben, juste la moitié de ses biens, c'est suffisant. Puis il peut se garder quelque chose. Ben non, qu'il le vende, qu'il le mette en fiducie. Puis dans 5 ans, si t'es encore de Nazaréen, ben là, il pourra donner. C'est pour le sécuriser. Ben non, c'est pas le même qu'on fonctionne. Notre énergie, on en a de besoin, nous, pour s'énergiser, pour que la compréhension se fasse en nous. On ne recherche pas la compréhension. Ce que l'on recherche sous ce mot, c'est l'énergie. Alors, lorsque quelqu'un ne comprend pas, ben c'est parce qu'il n'a pas l'énergie. Et votre mission n'est pas de l'énergiser pour qu'il comprenne. Votre travail n'est pas de vous désénergiser pour que vous ne compreniez pas. Vous comprenez quelque chose, c'est extraordinaire, ça va bien, vous sortez d'une conférence, d'un séminaire, vous venez de vivre une expérience, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes dynamisé, vous comprenez tout, c'est clair, c'est lucide, c'est extra. Là, vous rencontrez quelqu'un, puis vous essayez de lui faire comprendre, vous le partagez. Et partager, c'est pas altruiste, hein? On pense que c'est une belle qualité, c'est un maudit défaut. Parce que pour partager, on risque de se heurter à l'incompréhension, à l'autre qui veut, qui comprend pas puis qui veut à la place nous faire partager son affaire, puis on perd notre énergie, puis à un moment donné, on est en chicane. C'est pas une qualité, ça, le partage continuel de tout. C'est utile, c'est sociétaire, c'est intelligent, le partage de certaines choses, mais à un moment donné, c'est un défaut quand on veut tout partager. Alors donc, vous êtes plein de dynamisme, vous arrivez vers quelqu'un, vous commencez à lui expliquer que son problème peut être réglé s'il arrive à comprendre telle chose, puis patati patata, puis au fur et à mesure que ça va, de moins en moins, vous arrivez à trouver les mots pour lui faire comprendre. Normal, parce que votre énergie, c'est lui qui apprend. Alors, l'énergie qui vous donne la compréhension, elle diminue, parce que vous en donnez au voisin, et à un moment donné, ben vous perdez aussi la compréhension. À un moment donné, vous n'avez plus les mots. Vous n'arrivez plus à cerner son problème. Égoïquement, ben là, vous voulez continuer, mais ça marche plus. Mais c'est normal. La compréhension va avec le taux d'énergie. Et la qualité de l'énergie, lorsqu'on la perd, on perd la compréhension. Faut comprendre ça. Est-ce qu'il y a des choses, Daniel, que l'homme ne doit pas comprendre sur la Terre ou simplement c'est parce qu'elles ne sont pas dans leur temps? Il n'y a rien que l'homme ne doit pas comprendre. L'homme ne doit pas comprendre et l'homme ne doit pas pas comprendre. Ça, on s'en fout. L'homme, il est ce qu'il est dans ce qu'il est. Il est dans un contexte expérientiel, c'est-à-dire régi par l'espace et le temps, donc il expérimente. L'homme qui a l'énergie nécessaire a la compréhension reliée à ce niveau d'énergie, et l'homme qui ne l'a pas n'a pas la compréhension. Mais le niveau d'énergie que l'homme peut avoir, donc la compréhension qu'il peut avoir, elle est déterminée par les possibilités de la matière inférieure de pouvoir canaliser cette énergie. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas prête physiquement, vous n'aurez pas certaines formes de compréhension. Si vous n'êtes pas prête vitalement, vous n'aurez pas certaines formes de compréhension. Si vous n'êtes pas prête psychologiquement, et c'est surtout là le bobo, il y a plusieurs formes de compréhension que vous n'aurez pas. Parce que votre sécurité, votre compréhension primaire, celle qui vous habite présentement, celle qui vous maintient, elle est d'une telle nature, mais elle n'est pas nécessairement en relation avec la réalité extérieure ou la réalité authentique. Donc, si à un moment donné, vous avez une dose d'énergie qui vient carrément pulvériser vos bases, en vous donnant des bases nouvelles qui sont totalement authentiques, mais l'énergie se retire après pour vous laisser vous reposer avant de vous détruire, bien, psychologiquement, vous allez en mourir. C'est-à-dire que vous allez devenir inefficace dans la société, vous allez vous ramasser à Louis-Hippolyte Lafontaine. Et c'est pourquoi il y a des dangers de devenir fou lorsqu'on quémande trop d'une forme d'énergie. Les mécanismes normaux qui vont protéger les personnes qui reçoivent trop d'énergie, par exemple lors de mes conférences, c'est que même si je parle suffisamment énergétiquement, même si je parle avec une certaine puissance, et même si de temps en temps, le système de son est un peu poussé, les personnes vont s'endormir. Ils ne s'endorment pas parce qu'on parle mollo puis c'est plate. Elles s'endorment parce que c'est une protection normale de leur propre ajusteur de pensée pour les protéger contre l'énergie, ce qui fait que dormant, lentement, elles captent la dose d'énergie nécessaire, ce qu'ils peuvent capter, et pas le reste. Donc, je peux, moi, me permettre de faire des conférences en public parce qu'il y a des mécanismes de protection inhérents à une surdose d'énergie. Mais une personne qui, par un certain travail qui n'est pas nécessairement normal ou correct, réussit à détruire ce mécanisme de protection,